chalpitant. Je regarde dans les yeux de mon chien. Je vois ce que la France devient. Le sauveur de la France. Je vais des meufs comme un savoir. Et je vois que ça sert à rien. Je suis le maréchal pétain. Le sauveur.